Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac, bonsoir. C'est le fun, de semaine en semaine, on a de plus en plus de gens qui nous écoutent live et des gens qui nous posent des questions. On en a de plus en plus. D'ailleurs, JF est encore en train de travailler à rajouter les dernières qu'on reçoit de Facebook, de Twitter, d'un peu partout. Je suis en ce moment avec mes deux co-animateurs, soit Jean-François Roy et Vincent Miller. Donc, ça fait maintenant une semaine là, qu'on ne s'est pas vu. Je m'ennuyais de mon micro. On s'ennuyait, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a été plus calme. Là, les premières semaines, on était vraiment dedans. On se parlait deux, trois fois par semaine. Ça nous tenait occupés. Là. Effectivement. Même souvent, la journée d'avant, le mardi, on faisait un 2 heures, là, comme un rodage du show. Fait que là, cette semaine, ça a été plus calme et on n'a pas fait ça. Donc, on est peut-être un petit peu rouillé. On va voir au courant du show. On est maintenant 22 dans la chatroom. C'est super intéressant. Et je vous explique pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Les amateurs de Mac, bonsoir, c'est facile. C'est une ligne ouverte sur les questions que vous pourriez avoir sur n'importe quoi Apple. Donc, on a essayé de trouver la crème de la crème des génies Apple disponible à cette heure-là, le soir. On est là pour répondre donc à vos questions. Donc, dans le fond, Alexis, on a fait une recherche, mais finalement, on ne trouvait pas personne, fait qu'on est rendu... on est ici, les trois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Dans le coin juste ici, vous avez trois petites icônes. Je vous explique un petit peu la plateforme Vocal, qui, oui, on le sait, est une plateforme en Flash. On ne devrait pas l'utiliser. Flash, c'est mort. Adobe l'a tué la semaine passée, du moins en mobile. Fait que là, ils peuvent plus vendre des playbooks en disant « Ah, ça roule Flash ». C'est-à-dire qu'ils vont continuer à en vendre, mais ils vendent chez Futureshop. Je ne sais pas si vous avez vu, 199$ cette semaine, la Playbook, qui vont la vendre, si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc c'est ça. Donc, juste dans le coin en bas, vous avez trois petites icônes, soit le petit écran de télévision rouge, la petite ampoule et les trois petits personnages qui nous disent combien de gens sont dans la chatroom. La petite ampoule vous permet de venir nous poser des questions, soit en mode texte, soit en mode... Là, c'est nous autres qu'on voit. On ne voit pas très bien, Vincent. Ouais, non. Soit en mode vidéo. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. Simplement utiliser le micro de votre ordinateur et brancher une paire d'écouteurs à votre ordinateur pour pas que le son des haut-parleurs se retrouve dans le micro puis qu'on ait un feedback. Et puis, on vous invite à nous rejoindre. Les caméras vont se déplacer dans l'écran puis on va être quatre. Fait que, on ne l'a jamais eu encore. Il n'y a jamais personne qui a été game hein, de venir. La soirée qu'on a faite pour Steve Jobs avec JF Roy, le premier épisode, le pilote. Nous autres, on veut lancer un show, puis Steve décide de mourir cette journée-là. On l'avait fait, mais depuis, il n'y a personne qui s'est pointé en vidéo, et on aimerait bien ça. Donc, de ce pas, en fait, on n'a pas de questions encore dans l'outil. Donc, on va y aller avec les questions qu'on reçoit sur les différentes plateformes. Donc, que ce soit Facebook, que ce soit nos comptes Twitter respectifs. Et, en fait, la raison d'être principale du podcast, c'est bizarre parce qu'on a commencé le podcast pendant qu'il y avait le rodage de cette nouvelle plateforme-là. Sur le site de Mac Québec, il y avait un forum d'entraide où est-ce que les gens pouvaient aller. Mais là, ils ont lancé quelque chose cette semaine de tout à fait nouveau. D'abord, ils ont fait toute la page, tout le front page, tout le home page de Mac Québec. Qui a tout été rénové, donc il y a un paquet d'informations là-dessus. Peut-être un tout petit peu trop, mais il travaille là-dessus. Là. Kim est là-dessus 24 heures sur 24 à l'améliorer. Et ils ont lancé la plateforme Mac Québec Entraide. Donc, Mac Québec Entraide, c'est un mix, un mash-up, si on veut, entre un forum un peu plus traditionnel et peut-être différents éléments de médias sociaux. Donc, mettons que, moi, j'ai commencé à répondre un peu cette semaine, puis mes réponses sont assez étayées. Tu sais, j'en mets, puis tout ça. Donc, les gens peuvent décider de me suivre parce qu'ils trouvent que l'information que je donne est pertinente et intéressante. Fait ils vont recevoir comme les réponses que je vais donner à d'autres questions et tout ça. Donc, c'est un espèce de mélange entre Twitter et tout ça. Puis, ce qu'on devrait faire éventuellement, puis Kim ne voudra pas, mais c'est inviter Kim pour nous en parler. mais elle ne voudra pas. Fait que... est-ce qu'on a un nombre de caractères limité pour ça? Dans Mac Québec Entraide? Oui. Ben, peut-être, mais moi, je me suis rendu à 2300, là, puis... C'est bon. Hey, on a déjà deux questions. On n'a même pas été en mesure de commencer notre truc. Donc, on va y aller avec la question. Bonjour, Hervé Descamps. Voilà. Bonjour. Bonjour. Hervé Descamps, qui est quelqu'un de nouveau. On ne l'avait pas vu à date. Bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Donc, oui. Comment coupler et surtout connecter un iPhone 4 avec OS 6 reconnu, mais qui ne se connecte pas? On a eu une question semblable à propos d'un iPad cette semaine. Donc, si je comprends bien, là, puis vous pouvez dans le chat peut-être donner des détails par rapport à ce qu'on va dire, mais donc vous branchez votre iPhone à votre ordinateur, et bon, c'est supposé être reconnu dans iTunes, mais là, ce ne l'est pas. Donc, la première chose à faire est probablement un hard reset, c'est-à-dire de tenir les deux boutons de l'appareil enfoncés pour que l'appareil se ferme de lui-même. C'est un peu l'équivalent de tenir le bouton power enfoncé. La deuxième chose, si vous avez un... OK, en Bluetooth pour la connexion. Donc, c'est pour utiliser pour partager la connexion Internet ou c'est pour transférer des données entre le téléphone et l'ordinateur? Parce que si c'est pour le Bluetooth, depuis longtemps, là, on peut connecter des téléphones en Bluetooth à un ordinateur puis qu'il y ait différents services. L'iPhone ne permet pas ça. Quand tu essaies de le connecter en Bluetooth à ton ordinateur pour aller chercher à l'intérieur des informations, il ne veut vraiment pas depuis le Mac sur l'iPhone. C'est ça. Un des services aurait été de pouvoir utiliser le clavier de l'ordinateur pour écrire des SMS. C'est malheureusement pas possible. Apple n'offre pas cette possibilité-là. Et quand on essaie de connecter le iPhone en Bluetooth à l'ordinateur, il y a une erreur qui se fait. Il ne permet pas de le faire. Donc, OK, il y a un petit logiciel disponible sur Mac App Store. Okay. Type to phone. To, c'est le 2. OK. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Je vais aller voir. OK, excellent. Pendant que tu vas voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va tasser la question et on va y aller avec l'autre question de Louis. On reviendra à la question de Hervé dans quelques secondes. Donc, Hervé qui nous demande, croyez-vous à un éventuel service de type fournisseur de réseau Wi-Fi et téléphonique propre à Apple? En fait, Louis nous pose cette question-là par rapport à une rumeur qu'il y a eu cette semaine. Je ne sais pas si tu as vu ça, JF. Non, ça ne me dit rien, je n'ai pas vu ça. C'est que Steve Jobs, en fait, avant le lancement du iPhone première génération, avait discuté avec différentes personnes pendant un certain temps de la possibilité que Apple offre son propre, soit devienne le fournisseur. Ah oui, ça oui, OK, ouais, mais je ne pensais pas que c'était revenu cette semaine. C'est ça. Et en fait, il voulait probablement passer par un réseau Wi-Fi ou un truc comme ça, mais c'était assez complexe, puis les espèces de règles, puis les oligopoles de toutes les compagnies qui se sont incrustées là, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour pas laisser rentrer d'autres joueurs, l'ont comme découragé de faire ça. Puis c'est un petit peu plate parce que, si on y pense, tu sais, Steve, s'il y a eu cette idée-là, c'était parce que il voyait qu'il y avait peut-être plus d'innovation. En fait, un meilleur service, je sais pas, mais peut-être moins cher qu'il aurait proposé. Et ce qui se passe, c'est que Apple aurait pu plus rapidement faire des développements là-dessus. Alors que là, à chaque année, ils sont obligés de rediscuter avec AT&T. Tu peux-tu installer 2-3 tours de plus? Tu sais, le monde, il capte plus, puis... tout ça. Donc, c'est une des avenues que Apple aurait voulu emprunter. Non, moi, je pense pas. D'abord, au niveau Wi-Fi, donc la technologie 802.11, A, B, G, N, tout ça, ben c'est des appareils à courte portée. Donc, il aurait fallu en installer un gros paquet. C'est une technologie, en fait, là, qui est un peu chaotique par rapport à la technologie cellulaire. La technologie cellulaire, en fait, est faite pour être en mesure... Quand on a une communication sans fil comme ça, il y a deux items. Il y a la tour centrale et il y a un paquet de clients autour qui parlent à la tour. Et deux clients ne peuvent pas parler en même temps à la tour. Donc, ils ont chacun leur fenêtre. Et la tour, elle écoute. Puis là, elle dit « OK, c'est à ton tour à parler » puis tout ça. Il y a tout un mode, tout un processus pour gérer ça à travers les trucs cellulaires qu'il n'y a pas dans le Wi-Fi. Et c'est pour ça que c'est très, très chaotique. Quand on arrive dans des conventions ou des trucs comme ça, il y a une problématique à pouvoir se promener facilement avec son laptop puis tomber d'un point d'accès à un autre ou tu sais pas pourquoi, me demander que tu perds ta connexion parce que quelqu'un d'autre vient de se connecter, des trucs comme ça. Donc, c'est très, très complexe. Donc, non, Apple ne serait probablement pas allé avec une technologie Wi-Fi, il serait allé avec une technologie cellulaire, d'après moi. Mais là, il semble que ce soit pas le cas. Sauf que je trouve ça quand même intéressant que ça se soit passé de cette façon-là parce que ce que je trouve, c'est qu'Apple a poussé l'innovation ou en fait a poussé les fournisseurs à devenir, j'aime ça ce mot-là, mais plus pertinent. Les fournisseurs ont été obligés de se débrouiller puis ils se sont fait botter le cul. T'sais. Avant, j'offre une couple de minutes sur un Razer puis c'est tout. Quand Apple est arrivé, ils ont fait « Hey, là, je veux du data, je veux visual voicemail, les SMS, ça va rouler, puis tout le kit. » Donc, je pense qu'ils ont brassé la cage des fournisseurs. J'espère que ça répond à ta question, Louis. Louis qui passe ses semaines à penser à des questions à nous poser, qui est là à chaque show. Merci beaucoup. Oui, merci. J'ai la réponse à propos de Type to Mac. Oui. Type to iPhone, pardon. En fait, c'est exactement ça. C'est un petit logiciel très simple. Il n'est pas gratuit. Il est 4,99. Ça ne tourne pas votre clavier. Mais en fait, ça va pouvoir, mais ça passe par le Mac. Donc, peu importe quel clavier que vous allez utiliser, dès que vous tapez dans le Mac avec ce petit logiciel-là, les lettres que vous allez voir apparaître dans ce logiciel-là, ça va être automatiquement transféré via Bluetooth, comme un... Je ne sais pas exactement comment il fonctionne, là, mais ça dit comme un clavier Bluetooth, même si ça ne fonctionne pas. iPhone, iPod Touch, iPad, ça marche aussi pour les copy-paste. Donc, vous pouvez le transférer là-dessus. Puis, vous pouvez écrire des SMS, des notes, puis tout ce que vous voulez, là, que vous pouvez taper dans des longs textes que vous avez plus, dans le fond, vous avez plus besoin d'un clavier qu'autre chose. Là. Mais il ne faut pas oublier un SMS. De toute façon, ça ne peut pas être un long texte. Parce qu'un SMS, c'est un tweet moins les noms d'utilisateurs, ou en fait plus les noms d'utilisateurs. C'est 160 caractères. D'ailleurs, Twitter commençait, quand ça a commencé, ça se voulait un remplaçant, si on veut, là, du système SMS. Puis éventuellement, ils sont devenus leur propre système. C'est pas clean comme fonctionnalité. C'est-à-dire que c'est... Mon Boba Fett pète la gueule à tes Canadiens. Moi, rien. Toi, t'as pas de marque. Non, moi, c'est un pyjama. Ah, OK. Ouais, c'est vrai, tu te couches, toi, après le podcast. Non, sérieux, les gars. Donc, come on! Ce que je disais, c'était c'est pas clean parce que t'écris, ça s'écrit dans une espèce de petite interface, puis là, c'est ce morceau-là qui est envoyé sur ton iPhone. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, là, quand vous écrivez des messages textes, n'utilisez pas ce logiciel-là si vous allez écrire à une ou deux personnes rapidement. Par contre, si vous avez une conversation sur, je sais pas, sur la philosophie, puis tout ce qui est rationnel, puis ce qui ne l'est pas, puis si vous êtes jeune et pragmatique, vous pouvez taper une conversation, puis c'est plus facile comme ça. Oui, c'est 160 caractères, mais si vous écrivez au-dessus de 100 SMS, c'est sûr que ça va mieux qu'un clavier. Donc, il y a peut-être une utilité comme ça en tapant pour les SMS. Sinon, dans l'autre sens, moi, il y a un logiciel que j'aime bien qui s'appelle PasteBot. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Non. OK. C'est un peu l'inverse. Ça ne va pas tout à fait dans ce que Hervé cherche, je crois. C'est un logiciel que tu installes sur ton iPhone et tu installes une espèce d'application sur ton ordinateur. Et c'est vraiment très clean. Tous les produits bot, Pastebot, Twitterbot, Calcbot, Convertbot, ce sont tous des produits qui, au niveau de l'interface, au niveau de la qualité de l'interface utilisateur, c'est vraiment top-notch. Et ce logiciel-là, tu fais un copier de n'importe quoi dans ton téléphone et au lieu d'aller dans un autre truc et faire coller, tu ouvres Convertbot. Et lui, automatiquement, va te rajouter un item avec ce que tu as copié dedans. Donc, tu n'as pas besoin de faire coller ou quoi que ce soit. Et cet item-là devient une espèce de raccourci touchable si tu veux le coller dans ton ordinateur à cause de la petite application que tu as installée. Fait que, mettons que, je sais pas, tu as des codes super compliqués, tu as des mots de passe, mettons, tu pourrais faire ça. T'sais. Tu notes tes mots de passe dans ConvertBot, dans Pastebot, c'est pas super secure, mais quand tu veux rentrer ton mot de passe, mettons, tu as fait un truc long de même, ben tu touches au truc dans ton téléphone et ça le paste dans ton ordinateur. C'est une espèce de pasteboard, mais à côté. Là, mais c'est cute. À l'utilisation, faut vraiment que c'est pour des trucs précis. Puis c'est vraiment pour s'amuser, là, mais c'est quand même pas mal intéressant. Hey, on va passer à une autre question parce qu'on a pas mal ce soir. Il y a Christophe Catherine qui nous demande s'il existe un service de plateforme Mac disponible en cloud pour les programmeurs. Vincent, est-ce que tu es au courant de quelque chose? De ce que je comprends, il parle pas un logiciel, mais ce qui est, dans le fond, sur le cloud, là, sur un service web. Je sais pas si c'est pas une espèce de GitHub, mais pour les programmeurs, pour qu'ils puissent échanger des morceaux de code ou des trucs comme ça. GitHub, oui, il y a des logiciels open source, que ce soit pas juste pour iPhone, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça. On voit aussi beaucoup de Python dedans. En tout cas, dans mes propres recherches, vous pouvez, oui, échanger, créer un compte, puis mettre une plateforme, puis ensuite, si vous avez un site web, mettez votre lien, puis les personnes peuvent aller voir, modifier des lignes de texte si vous avez un problème, ou rajouter des options, puis ensuite, vous le validez, mais vous pouvez le rajouter dans votre version, le publier. Il y a aussi si vous voulez, l'application que vous mettez, avoir des langages différents, donc français, anglais, du japonais, du mandarin, peu importe, ou de l'allemand. Donc, il y a des personnes qui peuvent se mettre volontaires pour les changer. Donc, dans GitHub, ça existe. S'il parle de la plateforme juste de développement... Juste une seconde, on a des petites clarifications. En fait, Christophe nous explique dans le chat que lui, il n'a pas de Mac en tant que tel. Ce qu'il aimerait, c'est pouvoir en fait louer une espèce de service qui lui permettrait de développer sur iOS, mettons par une machine virtuelle. Fait qu'il voudrait se connecter à distance vers un Mac qui lui permettrait de développer, puis il ne serait pas obligé de changer d'ordinateur avec ça. Dans le fond, deviens ami avec quelqu'un qui a un Mac qui veut te passer ça. Mais à part installer une version... une plateforme virtuelle, une machine virtuelle de Mac OS X dans Windows ou installer un Macintosh, il n'y a pas grand choix. Il n'y a pas vraiment de service web où vous vous connectez, à part des services où vous rentrez vos informations, vous payez un certain montant, puis ils vont comme vous développer de base automatiquement une application. À part ça, il n'y a pas vraiment de choix. Maintenant, vu que la possibilité de virtualiser l'environnement Mac OS X, j'imagine qu'il y a peut-être des services qui devraient émerger comme ça, de genre, tu sais, un espèce de serveur Mac où est-ce que tu peux te connecter. Tu sais, il y en a une compagnie aux États-Unis, là, eux autres, ils font de la colocation de Mac Mini, puis tu peux te connecter à distance. Fait qu'il y a peut-être ça, je me souviens plus comment ça s'appelle, Mac Mini colocation, Mac Mini Colo. Tu peux regarder peut-être macminicolo.net et peut-être qu'il y aurait quelque chose là. C'est-à-dire que tu aurais une colocation d'un Mac Mini au complet qui te servirait de serveur, mais tu pourrais à travers ça probablement développer ce que tu cherches à développer. Je regarde des photos en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de Mac Mini dans leur entrepôt. Ils ont 850 Mac Mini. Évidemment, ils sont peut-être tous occupés, mais il faudrait les contacter. S'ils font de la publicité là-dessus, 8 gigs de RAM, up to 8 gigs, donc jusqu'à 8 gigs de RAM. Pas cher, ça commence à 35$. Donc, je sais pas exactement là, tout ce que ça comprend, je lis vite. Bonne performance partout dans le monde, une bonne qualité. Bon. Puis, il n'y a pas de coût pour l'installation. Donc ça a l'air intéressant. J'ai jamais essayé, jamais entendu personne parler de Mac Mini Écolo, mais ça peut être une très bonne option. J'espère que ça répond quand même un peu à ta question et que ça te donne des pistes. On a une question de Rémi Avécury ici, qui nous demande si on a entendu parler de rumeurs ou de dates de sortie pour iTunes Match pour le Canada. Donc, iTunes Match qui est sorti cette semaine. Et puis, moi, quand je l'ai vu dans mon fil RSS, c'était iPhone in Canada qui en parlait. Fait que je me disais, oh shit, ils l'ont sorti, puis ça veut dire que ça marche au Canada. Mais moi, j'ai fait ma mise à jour non. pour rien, un autre 80 MB de téléchargé pour absolument rien. Et donc, iTunes Match, c'est un service au Canada qui permet en fait de... Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un service de iTunes qui permet de blanchir vos MP3 piratés. En streaming. Non, c'est retéléchargeable. Oui, retéléchargeable, mais il garde juste deux ou trois chansons dans ton téléphone. Il n'en garde pas plus, là, parce que la suivante va s'effacer, puis là, ça recommence. Il les garde pas toutes dans ton téléphone. Là. OK, je pensais que tu pouvais toutes les retélécharger. Je pensais qu'il il faisait ça. Je vais aller lire un petit peu plus là-dessus. Mais... Ben, moi aussi, je pensais ça, mais quand j'ai vu justement que c'était plus du streaming, là, je trouvais que c'était moins intéressant. Comment ils nous l'avaient présenté au WWDC, c'était vraiment, tu payes 25$, toutes les chansons que tu as, je sais pas, tu en as 2000, puis ils sont disponibles dans iTunes, mais tu vas pouvoir les retélécharger puis être legit au bout. Moi, j'avais vu ça comme ça, mais... Si iTunes ne les a pas, tu peux les uploader là-bas. Donc, ce qui est un petit peu différent, par exemple, Google Music est sorti aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si ils font un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus avec des majors. Puis là, eux autres, là, ce qu'on entendait, c'est que quand tu uploads, ça peut prendre plusieurs jours. Là. Tu peux uploader jusqu'à 20 000 chansons sur Google Music in the Cloud. Et ça pouvait prendre plusieurs jours. Là, je ne sais pas s'ils vont scanner un peu comme iTunes Match est censé le faire et te donner l'équivalent de la chanson qu'il a scannée. Mais imaginez-vous ça ici, avec les taux de transfert qu'on a. Ouais. C'est comme... c'est malade, là. Ouais. Tu sais, je sais pas combien ma bibliothèque fait comme musique, mais il faudrait que tout que je mette ça dans le dossier de Google, là, ça va me coûter une beurrée transférer tout ça. Là. C'est sûr que l'upload là, va manger. Puis on s'entend-tu que les vitesses d'upload ici est pas vite, fait que... By the way, j'ai une solution peut-être pour ça que je vais installer... incessamment chez un client. Connaissez-vous ça, le connection bounding? Non. Non, je sais pas c'est quoi. Ben, tu peux... tu communiques avec une compagnie qui fait de l'Internet. Nous autres, on est allé avec Colba, pour pas les nommer. Tu te montes un espèce de mini-ordinateur. Et ce mini-ordinateur-là a deux connexions réseau. Celui qu'on a en a plusieurs. Mais tu les mets de... Tu branches les deux connexions dedans. Fait que les deux connexions qui proviennent de l'ADSL... Tu les plugs dedans et lui va les merger ensemble. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une connexion, chez Colbonnet, là, on va prendre un exemple comme ça, là, Frank the Tank chez eux a un téléchargement de 12 mégabits et un upload de 1 mégabit. Okay. Ben, mettons que tu aurais deux connexions comme ça, tu pourrais les merger ensemble. Donc, tu aurais 24 mégabits de téléchargement puis 2 mégabits d'upload. Puis c'est, tu sais, mettons chez Colbonnet, c'est 30$ par mois la connexion, fait que tu es capable de te débrouiller pour avoir une connexion bien rapide pour moins cher que, mettons, ce que je paye moi chez Vidéotron pour mon Internet actuellement, ou est-ce que j'ai encore un mégabit d'upload? Ça, c'est ridicule, là, tu sais. Il faudrait qu'il fasse quelque chose pour ça. T'as quoi? T'as 2 mégabits d'upload, toi? T'es en TGV? Nice. Ouais, exactement. Cool. Donc, pour revenir à la question, par exemple, de Rémi, ce qu'on peut trouver comme information sur Internet, c'est que le 1er septembre de cette année, Tim Cook aurait reçu un email d'un utilisateur qui demandait AP au Canada. Tim Cook l'aurait envoyé à Eddie Q. Eddie Q qui s'occupe justement des services comme ça chez Apple. Et Eddie aurait répondu, écoute, on essaye de sortir ça pas longtemps après les États-Unis quand ça va être lancé. Donc, est-ce que ça va être d'ici la fin de l'année? Est-ce que ça va être en début d'année prochaine? On ne sait pas. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui retient Apple de le faire en même temps, mais c'est sûr qu'ils font le déploiement aux États-Unis. Puis une fois que c'est bien rodé, ben après ça, ils peuvent le sortir puis le dupliquer, si on veut, dans différents marchés. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un service qui va s'en venir bientôt ici. J'imagine que d'ici 3-4 mois, on devrait avoir des nouvelles de ça. Oui, mais c'est pas aussi régi par le genre le CRTC aussi pour... il doit y avoir une passe dans le CRTC qu'il faut que ça passe par eux autres. Non, c'est une question de droit d'auteur, j'imagine. Droit d'auteur aussi. Ben, le CRTC s'occupe pas de droit d'auteur en passant. Ce serait des organismes comme la SODEC ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui sont bien plus... qui seront dans le chat ou sur Twitter, qui nous écouteront cette semaine, qui seront à même de commenter... là-dessus à propos des droits d'auteur. Je pense à mon ami Jonathan Moreau, à M. Pim Lozo sur Twitter. Et je pense que c'est ça, faut qu'ils refassent les deals qu'ils ont fait avec les majors aux États-Unis. Il faut qu'ils les refassent ici. Fait qu'il faut qu'ils s'assoient, faut qu'ils envoient quelqu'un, faut qu'ils s'assoient et qu'ils le fassent. Mais je pense pas que le CRTC ait vraiment quelque chose à avoir là-dedans. C'est un organisme qui est là pour régir. En fait, qu'il y ait une bonne et une saine compétition avec les compagnies de télécommunications au Canada. Donc, c'est un organisme qui travaille plus pour les compagnies, qui n'est pas là pour répondre aux demandes des utilisateurs, de nous. Sauf que c'est ça qu'ils ont fait un peu cette semaine. On sort un peu du sujet Apple, mais cette semaine, si vous êtes un peu à l'affût, t'as-tu suivi un petit peu ça, JF? Le UBB? Oui, le Usage-Based Billing. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près un an, Bell a fait une demande au CRTC de pouvoir charger les gens à qui ils louent des connexions en fonction de l'utilisation de cette connexion-là. Jusqu'à maintenant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils chargeaient par tête de pipe. Fait que, mettons, ben moi, je suis Radioactif ou je sais pas quelle autre compagnie là, qui sous-loue, mettons, vif.ca. Et là, j'ai 30 000 abonnés, mettons, je sais pas combien ils peuvent en avoir. Ben je payais un montant pour 30 000 abonnés. Mais il n'y avait rien à propos de combien ces gens-là téléchargeaient. Fait que les petits pouvaient offrir des connexions qui revendaient de Bell, mais sans limite de bande passante. Alors que Bell, de son côté, en avait mis une limite de bande passante, supposément parce que le réseau était trop chargé. Trop surchargé. D'un côté, ils vont nous dire qu'il y a 1 % ou 5 % des utilisateurs qui consomment trop. Puis de l'autre côté, ils vont dire que le réseau est trop surchargé. Okay, bon. Puis là, ce qu'ils ont demandé, c'est de pouvoir charger à l'utilisation, mais les tarifs étaient complètement ridicules, alors que ça peut coûter... Le prix de base, c'est comme 3 sous le gig, OK? Mettons que tu mets là-dedans tes frais d'exploitation, tes employés, tout te quitte, bon, ça monte à 10 sous le gig. Eux autres, ils voulaient te charger ça une pièce et quelques, là, tu sais, quelque chose comme ça. Donc, les gens... Il y a des groupes d'activistes qui ont essayé de sensibiliser les gens, comme openmedia.ca. Ça a fonctionné. Il y a eu des pétitions qui ont été signées. Il y a 500 000 personnes au Canada qui ont signé la pétition contre le usage-based billing. Et cette semaine, le CRTC remettait le fruit, en fait. Ils ont dit, OK, on va réouvrir, on va y repenser. De toute façon, le gouvernement, il avait dit, on ne laissera pas passer ça. Fait que même si vous décidez d'y aller avec ça, nous autres, on va mettre notre droit de veto, puis elle va tomber, ce truc-là. Fait que repensez-y, trouvez un autre modèle. Là, c'est pas clair. Tous les textes qu'on peut trouver sont en anglais, puis... C'est tout mélangé. C'est ça. Surtout, je pense qu'il y a un article qui a été écrit sur la presse, puis le gars a rien compris, puis il a mélangé tout le monde. L'article sur la presse disait que le usage-based billing était rentré, alors que c'était carrément pas ça. Donc, là, ce que je crois qui va se passer, c'est que les petits vont être chargés selon une autre, façon de faire. Je crois que ça va être en termes de vitesse ou en termes de bandwidth qu'ils vont avoir à distiller parmi leurs utilisateurs. Et il va falloir qu'ils soient en mesure de l'estimer avant que le mois arrive pour avertir Bell de « ce mois-ci, je vais avoir besoin de temps ». Sinon, eux autres aussi vont avoir des pénalités. Ouais, mais il y a deux manières de à ce que j'ai compris, là, il y a deux manières, soit un prix fixe ou peu importe le bandwidth que tu vas avoir, même si t'en as pas besoin d'autant ou si tu vas le dépasser, tu vas avoir un prix fixe. Puis justement, tu vas comme prévoir ton utilisation ou t'en as besoin d'à peu près un tel nombre pour ce mois-ci, donc tu vas demander pour ça, puis tu vas être payé en conséquence. Fait que des fois, tu vas payer moins cher, des fois un peu plus. Donc, ça va dépendre de l'utilisation de la personne dans ce cas-là. Mais il va y avoir deux façons de faire. Mais c'est pas Bell l'année passée qui avait dit qu'il savait même pas combien de bandwidth passait sur leur réseau? Ah, je sais pas. Moi, j'avais entendu ça. Mais... moi, ce que je pense que ça va faire, c'est que les petits vont afficher le fait qu'ils continuent à vendre des connexions Internet avec bande passante illimitée. Toute cette médiatisation de ce problème-là va faire qu'il y a des gens qui se sont rendus compte un peu plus comment ça marchait et pourquoi ils payaient des surplus à chaque mois. Donc, eux vont migrer vers les petits utilisateurs et les petits utilisateurs vont se retrouver avec le pourcentage d'utilisateurs que Bell ne veut pas en tant que tel là, parce que c'est des gros utilisateurs. Puis, ça va être les petits revendeurs qui vont se retrouver avec des utilisateurs qui vont toutes leur bouffer leur bande passante. Fait que ça risque... En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça que ça va fonctionner puis si c'est comme ça que la migration va se faire, mais j'ai l'impression que ça va comme avoir le même résultat parce que le usage-based billing, ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait tué la concurrence. Il n'y en aurait plus. Ouais. Et au Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que la concurrence, elle est fictive. Elle n'existe pas. Le réseau appartient à Bell. Vidéotron a son propre Bell. Il y a d'autres gros dans l'ouest du Canada comme Rogers, Shaw, TELUS. Mais sinon, toutes les compagnies que vous pouvez utiliser ne sont que des revendeurs. Et ce que j'ai compris, en fait, il y a des gens qui l'expliquent beaucoup mieux que moi, mais quand ils ont ouvert la concurrence, les compagnies ont eu deux choix. Soit louer l'équipement de Bell, les D-Slam, dans les petites cabanes de Bell qui sont situées idéalement à moins de 4,5 km de vos maisons, et de simplement payer un frais de location, ou sinon d'emprunter de l'espace dans ces cabanes-là et d'y installer ses propres D-Slam. Un D-Slam, ça coûte très cher. Là, on parle de 25 000 $ à déployer, puis c'est capable de servir X montant d'utilisateurs et tout ça. Mais quand tu as ton propre D-Slam d'installer, ce qui se passe, c'est que tu as juste besoin de payer la location pour les lignes, ce qui est beaucoup moins cher. Puis à ce moment-là, c'est plus facile d'offrir différents forfaits qui sont intéressants. Et à ma connaissance, il y a deux compagnies, si je ne me trompe pas, qui ont été en mesure qui ont choisi en fait la bonne solution. La première, c'est Colbonnet, qui a vraiment décidé d'installer ses D-Slam. Et la deuxième, ça serait Cooptel, qui eux autres ont une limite de bande passante, mais qui auraient leur équipement d'installer dans les cabanes de Bell. Mais là, je risque de me faire corriger d'à peu près n'importe où, parce que c'est des informations qui leak de temps en temps. Mais ouais, on n'est pas sûr, c'est sûr. On va passer à l'autre question. Oui. Et on nous dit, on voudrait pas que tout le monde s'en aille en même temps, mais il semblerait que pendant qu'on fait le podcast, YouTube vienne de lancer sa nouvelle interface. Pourtant, je suis allé sur le site, là, puis... Il n'est pas à jour, les DNS ne doivent pas avoir passé encore. Restez encore, là, la propagation DNS au Canada n'est pas encore là. Ça va être vers minuit à soir, on a encore le temps. C'est à peu près ça. Attendez que le podcast finisse, à 11 heures, ça va être fini. Exactement. Donc, on a Biker Chief qui nous dit qu'en utilisation, l'utilitaire de disque qui vérifie la permission, il y a un message ACL inattendu sur User Shared. Donc, ça, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un message qui a l'air cryptique, Bon, l'utilitaire de disque, c'est un logiciel qui se retrouve dans le dossier utilitaire du dossier application. Ce logiciel-là vous permet, entre autres, bon, de créer des partitions sur des disques durs, de faire différentes choses pour à propos de vos différents médias. Si vous voulez, je sais pas, formater une carte SD, c'est là que vous le faites. Si vous voulez graver une image disque, ça peut être fait à partir de cette application-là aussi. Et cette application-là a un onglet qui s'appelle SOS et on trouve deux fonctionnalités dans l'onglet SOS. La première fonctionnalité, c'est la vérification et la réparation des permissions de l'ordinateur. Et la deuxième fonctionnalité, c'est la vérification et la réparation du disque en tant que tel. Donc, à quoi ça sert? Le premier, c'est vérification et réparation des permissions. Le système macOS 10 fonctionne avec des utilisateurs. Donc, quand vous ouvrez votre ordinateur pour la première fois, vous créez un compte. Vous êtes l'utilisateur de l'ordinateur et le compte, par défaut, est administrateur de l'ordinateur. Donc, il a à peu près tous les pouvoirs dans la machine. Il peut faire presque tout. Il y a un utilisateur caché qui est au-dessus de ça, dont on ne parlera pas, mais l'administrateur peut faire pas mal tout, sauf peut-être prendre le dossier système puis le mettre au vidange. Ouais, on ne parlera pas de celui qui est caché. C'est ça. Donc, bon, sachant ça, l'utilisateur, en fait, l'administrateur a différents droits sur les fichiers de l'ordinateur, que ce soit le droit de lire, le droit d'écrire ou le droit d'exécuter un fichier. Quand vous lancez une application, elle voit que vous êtes l'utilisateur X qui est administrateur et qui a X, Y, Z droits sur différentes ressources de l'ordinateur. Vous ouvrez ce logiciel-là. Lui a besoin des librairies qui sont dans l'ordinateur et il s'en va dire, bon, ben ouvre-moi tel service, ouvre-moi tel service, ouvre-moi tel service. Ces services-là ou ces fichiers-là dans l'ordinateur disent, oui, tu es effectivement l'administrateur, tu as donc le droit de m'exécuter. Mais au cours de l'utilisation de votre ordinateur, il est possible que les permissions sur certains des fichiers puissent changer. Par exemple, vous perdez le droit d'exécuter un fichier. Là, vous n'allez pas le voir nécessairement tout de suite. C'est pas apparent souvent. Souvent, les permissions vont changer sur des fichiers en fait, que vous utilisez très peu souvent. Et ce que ça peut donner comme résultat, c'est qu'à un moment donné, vous essayez d'ouvrir une application, elle rebondit quelques fois, puis elle s'arrête, puis elle ne veut pas s'ouvrir. Donc, à ce moment-là, elle n'a pas été en mesure d'avoir accès aux librairies puis aux ressources qu'elle utilise pour fonctionner, probablement, ou en fait, il est possible que ce soit à cause que les permissions ont été corrompues. Donc, on va dans SOS. C'est-tu bien résumé? Ça vous explique-tu bien? Êtes-vous d'accord avec cette explication-là, les gars? Oh, oui. Oui, oui. Excellent. Ça explique très bien, Dat. Excellent. Donc, vous allez dans l'utilitaire de disque. C'est recommandé d'y aller peut-être une fois par mois, je dirais. C'est un peu comme faire un scan disque pour les gens qui étaient sur PC, là, je veux dire, en termes de maintenance. Ça fait pas la même chose dans l'ordinateur, mais en termes de maintenance, c'est peut-être une opération que vous pouvez faire au mois. Et à ce moment-là, vous lancez la vérification des permissions. Là, c'est vérifier si vos permissions sont fuckées, puis après ça, dire « Ah oui, effectivement, elles sont fuckées, fait que je vais les réparer. » On va tout de suite avec réparation des permissions. On lance ça. Ça scanne l'ordinateur et ça change les permissions. Le problème de Biker Chief, c'est que dans l'utilisateur partagé, il semblerait qu'il y ait un des fichiers là-dedans que l'utilitaire disque n'est pas capable de changer. Donc, moi, ce que je pourrais peut-être suggérer comme processus à Biker Chief, ce serait peut-être de prendre son CD de réinitialisation de macOS 10, le mettre dans l'ordinateur, démarrer l'ordinateur, donc vous le fermez, le CD est dedans, on le rallume, et tout de suite quand on le rallume, quand on voit que l'électricité là, se propage, on tient la touche C enfoncée ou la touche Alt. La touche C va nous permettre de démarrer sur le CD. Quand on est démarré sur le CD, la première chose qu'on va voir, c'est choisir la langue. Et là, on va tomber dans l'espèce de processus pour installer macOS 10. C'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser la souris dans ce mode-là, là, quand on va être rendu là, tout en haut de l'écran. La barre que vous connaissez bien avec la pomme à gauche va apparaître. Et là, dans les différents menus, vous allez avoir un menu outils. Et dans le menu outils, vous allez avoir l'utilitaire disque. Dans l'utilitaire disque, et vous êtes à ce moment-là booté sur un autre média que le disque dur interne de l'ordinateur, refaites une réparation des permissions à partir du l'utilitaire disque. Et peut-être à ce moment-là qu'il devrait passer au travers et être en mesure de réparer le user shared. Moi, je pense que ça pourrait aider. Il y a peut-être des spécialistes qui sont dans le chatroom qui pourraient nous en dire plus. Sinon, de l'autre côté, l'autre fonctionnalité dans SOS, qui est la vérification du disque et la réparation du disque. Si moi, j'ai bien compris le processus, la vérification du disque, ça vérifie la surface et ça vérifie s'il n'y a pas des bad sectors sur le disque dur. La réparation, ça ne ferait pas une réparation en tant que telle du disque dur. Ce que ça ferait, c'est qu'il se créerait une espèce de fichier, tu sais, où est-ce que ça dit, « Hey, ces endroits-là sur les disques durs, il était pas beau, il était OK. » Un bad sector sur un disque dur, c'est un peu comme une cellule cancéreuse. Tu sais, tu peux plus faire grand-chose avec ça. Fait que quand tu fais une réparation, ça dirait à l'ordinateur, n'inscris plus de données à ces endroits-là sur le disque dur. Mais pour être honnête, si vous faites une vérification du disque et qu'on vous dit qu'il y a une problématique, moi, ce que je suggérerais, c'est de faire un backup et de changer le disque dans votre ordinateur. Parce que, comme je viens de le dire, des bad sectors sur un disque dur, c'est comme le cancer et ça a tendance à se propager. Donc, à ce moment-là, on va faire un changement du disque dur. Les disques durs aujourd'hui, Jeff et moi, on le sait, c'est vraiment cher. En ce moment, on est un peu... on s'est fait prendre... On sait plus quoi faire. Ouais, on s'est fait prendre les culottes baissées. Oh, oui, effectivement, faut que j'aille me chercher 4 disques durs en quelque part. Donc, en ce moment, il y a eu des inondations en Thaïlande et toutes les usines de disques durs se sont faites inonder. 75% des usines qui fabriquaient les disques durs mondiales étaient situées en Thaïlande. On appelle ça « mettre tous ces deux dans le même panier ». Et là, ils sont tous inondés. Puis là, on dit, bon, ben détruisez-les puis reconstruisez-en d'autres ou nettoyez ou, tu sais, faites comme à Saint-Jean, là, mettez des sacs de sable puis, nettoyez. La problématique, c'est que de l'eau qui rentre dans des usines comme ça, ça finit par créer des champignons. Et la problématique, c'est que des usines qui fabriquent des disques durs, c'est des usines qui sont des grosses salles blanches, c'est-à-dire des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de poussière, pas de quoi que ce soit, des molécules, des particules. Hermétique. Hermétique. Et quand il y a des bactéries, ça vient tout de gâcher ces milliers de dollars-là. C'est pas des millions de dollars qui ont été mis pour rendre ces salles-là super clean. Fait qu'il faut vraiment tout détruire. Tu peux pas juste nettoyer et reconstruire des nouvelles usines. Puis d'après moi, il va y avoir comme une décentralisation. Là, tu sais, j'imagine que Western Digital devrait pas... fabriquer ces 3 usines exactement au même endroit. C'est comme, j'ai mis toutes mes usines là, ils se sont toutes inondées. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai reconstruit toutes là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bravo. Applaudissements. Oui, c'est ça. On parlait un peu avant, on parlait de l'utilitaire disque. On a reçu une question cette semaine sur la nouvelle entraide de Mac Québec par rapport aux défragmentations du disque sur macOS. Le monde, la personne, attendez un peu, j'ai perdu ma page. Alors, la personne, elle nous a demandé cette semaine... est-ce que ça vaut la peine de défragmenter un disque dur sur un Mac ou un iMac, là, n'importe quelle plateforme qui supporte Apple? Pour le commun du mortel, si vous faites juste des consultations de pages web, Facebook, Twitter, toutes ces affaires-là, vous n'avez pas besoin de défragmenter le système. Le système le fait par lui-même avec son système de fichiers intégré. Je pense qu'il va jusqu'à 20 MB, si quelqu'un peut me corriger. Non, c'est ça que j'ai lu aussi. OK, c'est 20 MB, c'est ça. Fait que les fichiers de 20 MB et moins, il les défragmente. En haut de ça, il ne défragmente pas. Mais là, on s'entend que si vous mettez juste vos applications prennent peut-être quoi, Google prend à peu près quoi, 100 MB, ça ne dérange pas, ça. Mais on parle, mettons, une personne qui fait du montage vidéo, qu'il faut que ce soit des gros fichiers qui sont mis dans l'ordinateur, que ça peut faire des 8, 9, 10 gigs du fichier. Là, oui, ça serait une bonne idée de le défragmenter. Il y a certaines applications qui existent pour ça, mais si vous ne faites pas du montage vidéo, audio, tous des gros fichiers que vous pouvez créer vous-même, ça ne vaut pas la peine de créer, de faire une défragmentation de votre système. En fait, une fragmentation rapide puis hard de la machine, c'est d'avoir justement de transiger des gros paquets d'informations, c'est-à-dire des fichiers de 2, 3, 4, 8, 10 gigs qu'on recevrait dans l'ordinateur, on travaillerait avec, puis on les effacerait, par exemple, comme dans des gens qui font du montage vidéo, qui eux, souvent, vont utiliser un disque dur externe pour essayer de pas fragmenter trop justement leur disque dur. Il y a aussi pour les développeurs, ceux qui téléchargent Xcode. Cet été, il y a eu, je pense, quasiment 10 versions de Xcode différentes à 3 gigs chaque. Fait que quand tu en installes une, deux semaines plus tard, il y en a une nouvelle, tu es obligé de l'effacer. Donc, à rouler tout ça. Mais c'est pas une version. C'est-à-dire que quand tu télécharges Xcode, c'est un paquet de petits fichiers qui construisent l'application. C'est pas un fichier de 4 gigs, tu sais. Au départ, il y a un fichier. Ensuite, il y a des paquets à l'intérieur du fichier. C'est ça. Mais ça, c'est défragmenté. Les petits. Ok, les petits je comprends. Ouais, c'est vidéo, c'est sûr qu'il n'y a pas de. Ok. Ouais, non, je comprends. L'autre chose, dans le commentaire qu'on a eu, c'est devenu ce qui est intéressant, c'est que sur la plateforme Mac Québec Entraide, c'est devenu plus une discussion. Juste un tip qui a été demandé. Et la personne qui a posé la question ou la personne qui a répondu disait avoir fait beaucoup de recherches et qu'un des bons logiciels pour ça s'appelait iDefrag. C'est un logiciel qui vaut 30-40$. Donc, pour différentes raisons, personnellement, moi, j'ai jamais défragmenté mon Mac. Je ne pense pas qu'il y a eu... J'ai pas senti des ralentissements à cause de ça. Peut-être que si je m'y mettais comme il faut, je verrais. Mais un dernier truc à savoir, c'est qu'on ne défragmente jamais. Ça, tous les constructeurs s'entendent pour le dire. C'est dans les instructions. On ne défragmente pas un disque dur SSD. Donc, les disques durs solid state, ce n'est pas à défragmenter. Les informations sont accessibles, ça ne se fragmente pas. C'est des cellules dans lesquelles l'information est stockée. Alors que sur un disque dur, la problématique, c'est que c'est un tourne-disque, c'est une spirale d'information. Donc c'est avec plusieurs couches. C'est ça. Mais imagine une spirale d'information, puis ta première adresse au début de la route de briques jaunes de ton disque dur, c'est l'adresse numéro 1. Puis là, au bout, tu as ton adresse 1 TB qui est 1 milliard, je sais pas quoi. Puis quand tu effaces des fichiers de 4 gigs, ben, tu crées des trous dans cette spirale-là ou dans cette route-là par-dessus lesquelles Dorothée, qui serait ta tête de lecture, est obligée de sauter quand elle veut aller chercher l'autre information. Fait que c'est ça qui ralentit, si tu veux, aller chercher l'information. Donc, quand tu fais une défragmentation, c'est de reprendre tous les fichiers qui sont en périphérie, les copier, puis les recoller plus près à l'intérieur de la spirale du disque dur. C'est vraiment ça, une défragmentation, pour que toutes tes informations soient plus centrées, puis que l'aiguille, parce que c'est comme un tourne-disque, ait moins de chemin à faire pour aller chercher l'info sur le disque. C'est pas plus compliqué que ça. Très bien expliqué. Ouais, ouais. J'aime bien utiliser Dorothée et la route de briques jaunes dans mes. Comme exemple. Je trouve ça bien. Ouais. C'était mon déguisement d'Halloween. On va prendre une autre question avec la sur la plateforme Vorko. Je vais l'afficher. Oui, vas-y. Ben c'est pas Kim Auclair qui pose la question. Je vais donner le nom de la personne. C'est Stéphane José. Oui, c'est sur la plateforme. On l'avait dans notre document justement de question. Ouais, donc c'était une question sur laquelle à laquelle on était supposé répondre aujourd'hui justement. Tu veux y aller, Jeff? Ouais. Est-ce légal de faire fonctionner macOS sur un ordinateur personnel non construit par Apple? La réponse est non. Vous ne pouvez pas faire comme on dit du Hackintosh. C'est H-A-C-K, là, hack. Là. Vous ne pouvez pas faire ça. Apple ne permet pas ça. La seule chose qu'Apple permet maintenant avec la nouvelle version de macOS 10.7 Lion permet de l'installer en virtualisation. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous pouvez pas, c'est pas comme si la semaine passée vous nous avez suivi qu'on parlait du petit logiciel que j'ai testé qu'on pouvait installer macOS sur un PC. Unibeast, oui, c'est ça, exactement. C'est ça, on peut pas faire, c'est Apple le permet pas. T'as testé ça sur l'ordinateur de ton coloc? Exactement. Puis? Ben, ça fonctionne. OK. J'ai fait une autre partition, je l'ai effacée, là, puis elle n'est plus là. Là. Okay. Mais non, ça fonctionne. Ça a pris à peu près le même temps qu'installer macOS. Là. Puis ça donne quoi comme performance? Comme c'est pareil? Tu as l'impression d'avoir entre un Mac mini et un Mac Pro? Comparer de Windows 7 qui était dessus, le macOS va rouler plus vite encore que le Windows. Okay. Fait que j'ai toujours trouvé ça que installer un macOS sur un PC, ça roule plus vite sur un PC sur le Windows. Ton coloc n'a pas voulu le garder? Non. Ah, OK. Non, c'était juste un test. Fait que j'avais dit c'est juste un test que je vais faire. C'est correct. Fait que ça prend à peu près une demi-heure à installer. Donc, c'est techniquement possible de le faire, mais c'est légalement illégal de le faire selon la licence d'utilisateur de macOS 10. Des petits caractères que personne ne lit et qui disent « on va aller vous vider votre sang si vous faites quelque chose de pas correct avec notre logiciel », ben c'est inscrit là-dedans de toute pièce, en toutes lettres. Les gens, d'ailleurs, sur la plateforme MacEntraide ont sorti les bouts de texte relatifs à ça et ça dit carrément de ne pas l'installer sur un autre ordinateur qu'un ordinateur Apple. OK, ça c'est fait. Vincent, tu continues-tu avec notre document? Y a-tu quelque chose? On n'a pas répondu à la première question du document. Il y a quelqu'un qui... Moi, je trouve que c'est une super question. C'est Jeff Lavoie, c'est vrai, sur Twitter, qui a posé la question à JF cette semaine, qui était la différence entre Time Capsule et un AirPort Extreme, à part le disque dur. Est-ce que ça sert à payer... Est-ce que ça sert à quoi? Si ça sert à quoi de payer un prix de fou pour une Time Capsule? Et j'aimerais mettre une petite parenthèse à ça. En ce moment, c'est un super deal, une Time Capsule. Au prix des disques durs, là, si vous regardez, la Time Capsule est 299$. Puis, si je ne me trompe pas, cherchez un disque dur interne 3.5 de 2 TB et ça va vous coûter 235$. Fait que c'est un deal. Moi, je pense que je vais m'acheter des Time Capsule pour les repay-off puis aller chercher les disques durs qu'il y a dedans. Ça va comme être un meilleur deal que les acheter en ligne. Faire du profit. Mais oui. Je vais te laisser répondre, JF. Justement, c'était ta question. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. La différence entre les deux, les deux, c'est des routeurs par Apple, de très bonnes machines. Les routeurs Apple sont, en tout cas pour moi, sont reconnus pour être des très bonnes machines. C'est ça l'affaire qu'on peut faire. Mais je savais pas qu'on pouvait pas, on pouvait le faire maintenant avec une AirPort Extreme, brancher un disque dur USB en arrière et s'en servir de backup de Time Machine. Oui. Fait que je le savais pas ça. Fait que mais c'est ça. Il y a eu quand ils ont lancé le Time Machine, quelques mois plus tard, il y a eu une mise à jour dans le AirPort Extreme qui a fait qu'un disque dur branché, et c'est pas tous les disques durs. Parce qu'il y a certaines catégories de disques durs qui vont se mettre idle ou ils vont se mettre en mode de veille à partir d'un certain temps. Puis à partir du moment où est-ce qu'ils font ça, la time capsule, le AirPort n'est plus capable de le diffuser à l'ordinateur et l'ordinateur, le port USB, n'est pas capable de réveiller le disque dur ou quelque chose comme ça. Oui, c'est exactement ça. Qui ont des boutons on-off en arrière et qui n'ont pas de mode idle. Ça fonctionne, mais c'est pas dans toute la documentation à Apple, c'est pas indiqué que tu peux l'utiliser comme ça. Donc, c'est comme une fonctionnalité grise de Apple. Et tu sais, c'est un backup. Ça se veut normalement un truc de sécurité. Puis l'utiliser de cette façon-là n'est pas nécessairement l'utilisation la plus sécuritaire que tu pourrais en faire. Puis en plus, c'est même ceux qui ne se mettent pas en veille automatiquement, c'est pas tous les disques durs. Parce que moi, j'essaie, dans le fond, j'ai juste le choix entre une imprimante. Normalement, il parle, tu peux connecter un, je sais pas comment ça s'appelle, un séparateur USB, là, où tu branches plusieurs fils USB dans une prise USB. Oui. Puis j'ai essayé mon imprimante et mon disque dur sans fil. Puis il y a certains disques durs qui reconnaissent pas. Donc tu peux pas l'utiliser justement dans la pas la time capsule, mais moi j'ai un AirPort Extreme puis tu peux pas l'utiliser. Ton hub USB, est-ce qu'il est alimenté par une plug dans le mur? Oui. OK. Parce que achetez pas ça, un hub USB qui est pas plugué dans le mur, là, c'est la grosse boîte, là, vous allez avoir plein de problèmes avec ça. Donc, si vous magasinez pour un hub USB éventuellement, demandez au vendeur s'il y a bien un bloc d'alimentation qui vient avec pour l'alimenter. C'est plus une pièce d'équipement qu'on va laisser en place plutôt qu'une pièce d'équipement qu'on va transporter avec soi de toute façon. Donc, c'est pas vraiment grave qu'il soit branché au mur. Bien, j'étais allé au Dollarama la semaine passée, je pense. Ouais. Puis j'ai vu justement, il y avait des... Je sais pas comment ça s'appelle, des séparateurs USB, je sais pas trop. Okay, des hubs. Un hub. Ouais, c'est ça. Un hub, puis il y avait trois prises USB que tu pouvais brancher, puis une sortie. Ouais. J'étais allé chez Dollarama, c'était 2$, puis c'était écrit USB 2.0. Il supportait le 2.0. Okay. Il n'y avait pas de fil de plus pour le brancher au mur, là. Vas-y, GF. Il y a même des fils HDMI maintenant chez Dollarama. J'ai vu ça l'autre jour, là. Je vais en acheter un, ça coûte 2$. Ça ouais. Même, ça... ben, les dans justement Best Buy Future Shop, moi je me rappelle il y a 2 ans, ou il y a un an et demi, 2 ans, j'avais acheté un fil USB, c'était tellement cher. Maintenant ils ont diminué les prix parce qu'ils savent qu'on peut acheter ça en ligne. Puis je vous le conseille, parce que tu peux trouver des fils de très bonne qualité. Faites vos recherches, des commentaires souvent. Amazon, différents sites. Monoprice.com, c'est vraiment Monoprice.com, oui. Ou à Montréal. Vous avez juste à aller chez Addison. C'est ouais, 22e, puis Jarry. Mon expérience chez Addison, personnellement, là, puis c'est pas une compagnie à qui on essayait d'avoir des commandites, là, mais je suis allé là la première fois, il y a quelques semaines de ça. J'ai pas été impressionné par l'endroit. C'est une place qui était reconnue. Le gars qui avait ça avant vendait des balances de stock. Il rachetait des compagnies qui faisaient faillite et il vendait des balances de stock. Et tranquillement, pas vite, c'est plus tout à fait devenu ça. C'est devenu un magasin d'informatique avec des pièces pas trop chères. Mais avant, on pouvait trouver des micros. Usagers, des SM58 usagés pour 50$ ou des affaires de même, on pouvait avoir ça. Puis, tu sais, t'as comme zéro service, là. T'essayes d'avoir quelqu'un, puis le gars, il dit j'en ai pas avant même que t'aies fini de poser ta question. J'ai acheté 2 fils là-bas, des fils à iPhone. Et ça, des fils USB. Des fils USB pour brancher. Dock Connector. Ils m'ont coûté 5,99$. Et les deux fils. Tu peux, quand tu branches à un ordinateur ou à un truc mural pour charger ton iPhone, ça marche, mais ce fil-là, qui normalement est censé fonctionner sur les iPads, juste la recharge. Ne fonctionne pas sur le iPad. Le pinging à l'intérieur, je peux pas te dire pourquoi, mais c'est sur l'iPad que ça fonctionne pas. Fait que, j'allais aussi dire, au niveau des HDMI à 2$, puis tout ça, ils commencent à avoir des standards différents dans le HDMI. Je pense que le standard actuel, c'est la norme 1.4. Donc, le HDMI. Oui, c'est rendu 1.4 maintenant, HDMI. Puis, cette norme-là, c'est un fil HDMI qui est capable de passer soit du 240 Hz ou qui est capable de fonctionner sur des télévisions 3D. Ben c'est ça le plus du 1.4, parce que entre le 1.3 et le 1.4, le HD, là, peu importe, si vous n'avez pas de télé 3D, prenez pas le 1.4, parce que à moins qu'il soit déjà dessus, là, puis ça ne change rien, parce qu'il n'y a aucune différence. J'avais lu quelque chose là-dessus là, il y a à peu près un mois, où justement il n'y avait aucune différence entre les deux. C'était vraiment le 3D qui était ajouté, puis que dans le fond le 1.3 n'était pas supporté, mais il n'y a aucune différence. Fait que si vous voyez deux fils pareils, mais un avec le 1.3 puis un avec le 1.4, prenez le 1.3 parce qu'il n'y a vraiment aucune différence. Puis le 3D, comme l'analyse des geeks le dit, c'est mal, c'est evil. Ouais, pas besoin d'écouter ça parce qu'on sait tout. Ouais. Je vais prendre deux secondes pour... j'ai oublié de le faire en début d'émission. Ce que je voulais faire, parce que évidemment, on est affilié à notre superbe bannière, notre drapeau, notre site Internet chéri qui est Mac Québec. Et on avait les résultats, en fait, pour le... En fait, j'ai plus les résultats pour l'ancien sondage. Donc, le dernier sondage, on demandait... aux gens de Mac Québec, est-ce que vous pensez que Apple, maintenant que Steve Jobs est disparu, est-ce que Apple va continuer à être la même compagnie ou bien va s'éteindre éventuellement? Est-ce que vous lui donnez... est-ce que vous prétendez que c'est à moyen terme? Est-ce que vous pensez que c'est à long terme? Est-ce que Steve était vraiment... la seule personne qui poussait l'innovation dans cette compagnie-là? Et ça, c'était la question de la semaine passée. Majoritairement, les gens ont répondu que non, ils croyaient que Apple allait rester. C'est un petit peu biaisé comme sondage, dans le sens où ça serait étonnant que ce soit du monde caïsse à Apple qui vienne sur le site puis qui disent non, c'est pourri, fait qu'ils vont scratcher. Mais en général, les gens ont confiance en la compagnie. Et ben, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on a perdu Vincent. Ben oui, il n'est plus là, je suppose qu'il est là. Bon. Vincent? On l'a même perdu dans la conversation. Il est même dans la conversation, il n'est plus là. OK. Donc, OK, ben, je suis ici. Okay. Ah, OK. Oui, c'est parce que Twitter a comme ouvert une page. Ah, OK. Puis, ouais. On t'a perdu. Bon. J'étais en train de dire, en fait, que ben, vous avez sûrement remarqué, mais le site de Mac Québec s'est fait une beauté. C'est Alexandre 3 sur Twitter qui s'est occupé du refaçonnage, refabrication de la page web, du homepage de Mac Québec, aidé de Kim Auclair, évidemment, et de tout le staff de Mac Québec. Là, on est en train de discuter de ça cette semaine. Là. Change ça, place ça, tout ça. Il y a encore beaucoup de jobs à faire. C'est que la page d'accueil. Il va y avoir beaucoup de changements au cours de l'année 2012. C'est Kim qui l'a promis. Et on a demandé aux gens s'ils appréciaient, en fait, la nouvelle page d'accueil. Donc, si vous nous écoutez, ben, je vous invite à aller voter. Je ne donnerai pas les résultats du sondage tout de suite. On va les donner la semaine prochaine parce que je ne veux pas diriger votre lion là-dessus. Et puis, vous pouvez nous dire si vous aimez beaucoup, si vous aimez modérément, si vous aimez un peu ou si vous aimez pas du tout la nouvelle face. Moi, je trouve ça quand même bien. On a une belle place pour les derniers podcasts. On peut aller les chercher rapidement sur la page d'accueil. La page d'accueil. On a une question qui nous a été envoyée par Kim Auclair. Est-ce qu'il y a moyen d'accueillir... Attends un peu. La question de Pierre Grégoire. Ah, d'accord. Oui, puis en fait, oui, on voulait défoncer parce que la question porte sur iCloud et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des gros problèmes avec iCloud. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Moi, je vais vous donner la recette que j'ai utilisée. D'abord, j'avais un compte MobileMe avant que iCloud arrive. Ce qui fait que Apple, pour les abonnés à MobileMe, donnait plutôt que 5 gigs, donnait pour la première année 25 gigs. Pour que ce soit fonctionnel, il fallait faire migrer son compte MobileMe vers un compte iCloud. Ça ne changeait rien au niveau du username puis au niveau du mot de passe. Là. C'était juste qu'eux autres voulaient savoir si tu étais prêt à embarquer dans iCloud, si tu avais tout ce qu'il fallait pour le faire, c'est-à-dire macOS 10.7 iOS 5 sur tes appareils mobiles. Et à partir de ce moment-là, ils faisaient le switch. Et moi, j'ai essayé de fonctionner avec iCloud avec mon Apple ID, qui est mon adresse Gmail. Et ils n'ont jamais voulu me laisser fonctionner avec ça. C'est-à-dire que c'est comme s'ils voulaient associer une adresse mi.com. Si tu n'en as pas déjà une ou que celle que tu devrais avoir et existe dans leur système, ils ne veulent pas te laisser utiliser ton Apple ID. Donc, moi, ce que je conseille, c'est garder le Apple ID que vous avez actuellement et qui vous sert à acheter vos applications et fabriquer un nouveau compte iCloud avec une adresse mi.com. L'adresse mi.com, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. En fait, vous allez l'utiliser pour iMessage. Ou email. Non, même pas, mais iMessage. Parce que c'est iMessage qui va être associé à cette adresse adresse email-là. Puis, ça occasionne d'autres problèmes parce que si votre numéro de téléphone dans votre... je pense je m'embarque dans quelque chose, là, je comprends pas tout encore. Là, j'ai essayé de décortiquer ça avec plusieurs personnes. Dans votre carnet d'adresse, si votre fiche à vous a votre numéro de téléphone et votre adresse email qui est votre Apple ID, quand vous allez commencer à faire des messages avec les gens et qu'ils vont vous envoyer sur votre numéro de téléphone, ça va créer un thread, un fil de discussion dans iMessage. Et s'ils communiquent avec vous par votre adresse mi.com, votre adresse iCloud, si on veut, ça va créer un deuxième thread, un deuxième fil de discussion pour la même personne. Et on s'est fait poser la question cette semaine, comment les merger? C'est pas possible, si je me trompe pas. Ou bien, il faut rajouter dans son carnet d'adresse, sous ses adresses e-mail, l'adresse e-mail mi.com dans votre fiche à vous. En faisant ça, je crois que ça devrait régler certains problèmes. Maintenant, comment on fait pour ne pas se retrouver avec deux comptes de courriel, les calendriers, les entrées en double? Ben, c'est relativement simple. C'est-à-dire que si vous avez déjà une méthode de synchronisation de vos calendriers entre votre iPhone et votre ordinateur, soit parce que quand vous branchez votre iPhone à votre appareil, iTunes synchronise vos calendriers, ou que vous avez utilisé, je ne sais pas, un calendrier Gmail ou quelque chose comme ça, ben il faut, si on veut utiliser iCloud, il faut enlever ce système de synchronisation-là. Sinon, oui, vous allez vous retrouver avec le double de vos calendriers, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme sur votre Mac et qui sont synchronisés sur votre appareil iOS par un fil USB quand vous le branchez, et les comptes qui sont dans iCloud. Pour le savoir, quand, en fait, si vous voulez enlever les doubles sans nécessairement avoir à effacer des comptes parce que vous n'êtes pas certain, quand vous allez dans iCal et que vous appuyez à gauche en haut sur Calendar, vous avez une liste de calendriers qui apparaît. Et là, à côté de chacun des calendriers, vous avez d'abord la rubrique auquel il appartient. Fait, ça peut être un calendrier Gmail, ça peut être un calendrier sur votre Mac ou ça peut être un calendrier iCloud. Et là, vous pouvez les éteindre pour ne pas les voir. Vous effacez pas les rendez-vous que vous avez là-dedans, mais vous les cachez parce que des fois, vous pouvez avoir trop de rendez-vous là, à différents endroits. Fait que vous les cachez de votre du fait de les regarder. Vous les masquez, c'est ça qui est éliminé. Voilà. Et à ce moment-là, ben, vous n'allez plus avoir les doubles. Mais les calendriers que vous synchronisez à l'interne, probablement que c'est dans iTunes, dans le deuxième onglet, là, Info, et puis vous allez décocher de synchroniser les calendriers. Vous n'en avez plus besoin parce que c'est fait maintenant par iCloud. Puis ceux qui veulent, moi j'ai pris le temps, j'ai pris à peu près une heure pour tout placer. J'ai tout placé dans un calendrier. de 4 calendriers, là, mais des sujets différents, personnel, travail, etc. Mais il n'y a plus de séparation. J'ai pris le temps de les copier. C'est un peu plus long. Mais maintenant, il n'y a plus justement de... si jamais il y a une autre synchronisation complète, qu'il faut que vous fassiez votre téléphone pour quoi que ce soit, s'il y a un problème, peu importe, ben là, vous n'aurez pas pris avec le problème. Fait que vous pouvez prendre le temps si vous l'avez, ou sinon le masquer, puis ça va faire la job aussi. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai utilisé iCloud. Moi, à date, il y a des gens qui ont eu des problèmes, mais moi, à date, ça fonctionne excessivement bien. J'ai eu un petit problème avec mon téléphone. L'écran a commencé à craquer juste à côté du bouton « Home ». Et ton nouveau téléphone? Oui, puis je pense que c'est un problème de fabrication qui a 2 ans puis qui s'appelle Léo, là, qui a causé la problématique de l'écran craqué. Ah, mais ils me l'ont échangé. Je pense que mon fils a joué avec ou en tout cas fait une mauvaise manipulation. Écoutez, c'est des produits qui sont très solides. C'est la première fois que ça arrive, un bris comme ça, parce que mon fils l'utilise. Ça fait 1 an qu'il joue avec mes téléphones, qui est garoche, tout le kit, puis c'est la première fois. Bref, je suis allé au Apple Store, ils me l'ont changé et j'ai bretté dans le Apple Store pour profiter de leur connexion Internet parce que justement, juste en mettant mes paramètres iCloud puis en y disant, va rechercher... en fait, pendant que j'attendais pour le Genius, pour mon rendez-vous avec le Genius, j'ai fait mon backup dans le cloud. Fait qu'il l'a fait via le système Wi-Fi du Apple Store. Puis le gars m'a donné mon numéro de téléphone. Je l'ai ouvert. Il restait 60% de batterie. J'ai dit « Go ». C'est ça mes credentials iCloud. Puis il a commencé à télécharger ma musique, mes bouquins, mes applications, tout le kit, tout réinstallé. Le backup iCloud, c'était vraiment merveilleux. C'était, tu peux changer d'unité, là, puis il y a zéro problème. Fait que je trouve que moi, par contre, quand je réinstalle une nouvelle version, je télécharge le backup. Je fais un backup, j'installe la version bêta pas de iTunes, mais du iPhone. Puis, ça prend du temps. Sérieusement, là, moi, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps à télécharger les applications. J'en ai peut-être une cinquantaine, une quarantaine, puis c'est long. Vraiment, là, après ça, il faut que tu télécharges toute la musique. Ouais, moi, j'aime mieux faire un backup dans mon ordinateur. Pour ça, puis ensuite j'enlève dans le fond le backup, puis je continue à faire un backup en ligne. C'est peut-être plus pratique, là, ceux qui s'intéressent au développement, là, pensez comme ça, vous installez un bêta, là, ça va mieux comme ça. Excellent. Avant de terminer le show, on va attendre que JF revienne pour dire salut comme du monde. Ah, on me dit sur un autre canal qu'on trouve ça super bon, je suis très content. Moi, je tiens à vous remercier les gens qui sont là, qui nous posent des questions. Le show roule à cause de ça. Donc, vous lâchez pas. On est là toujours pour ça. On est sur les médias sociaux. Monsieur Miller, ici à côté, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur les internets, sur les Twitter, à DEVV Miller. Bon, pour ceux qui écoutent en direct, il est écrit en dessous de ma fenêtre, mon écran. Ou sinon, mon site web, vmiller.ca, si vous avez... si vous voulez faire une application, je suis développeur d'applications iOS, donc iPhone, iPad. J'aime ça, j'en mange. Donc, vous pouvez me contacter pour ça ou me poser des questions sur Twitter, comme Alexis répond aussi très souvent. Excellent. Bon, je suis revenu. Oui, est-ce que tu es dans la vocal aussi, Jeff? Oui. Non, non. Ah, ben moi, je te vois. Attends. Ouais? Oui? Oui. Je vois quoi? J'ai été invité, t'es co-host. Ta caméra vient d'apparaître, puis évidemment, tu t'es mis seul en yoga. C'est moi. Ah, encore, hein? C'est toujours ça. Quand Vincent joue avec les caméras, là... ça fait du temps, ça. Ouais. Voilà. Puis, en plus, pourtant, j'ai été élevé. Ma mère a travaillé, je pense, 40 ans dans la télé. Puis j'ai toujours tourné autour de la télé. Puis pourtant, moi, les caméras, je sais pas pourquoi ça n'a jamais lâché la caméra, mais j'ai jamais eu. Ça n'a jamais fonctionné pour moi, les caméras. La régie, toi, tu comprenais rien. Moi, la régie, sérieusement, là, si j'avais visité plusieurs fois la TVA à Gatineau, c'est là qu'elle travaillait avant. Puis. Je voulais, il me disait de toucher à des boutons, mais je voulais pas parce que je savais que j'allais péter quelque chose. Puis il m'a demandé de cliquer sur un bouton, j'ai cliqué dessus, puis la caméra comme tassée du gars qui parlait. Il faisait un test là, de vidéo, fait qu'il était pas en direct, mais j'ai jamais été très bon là-dedans. Il y a le gars de la météo qui s'est fait diffuser live comme ça. Ah ouais? Ah ouais, ben. Les rues qui se tassent, le gars. Oui, il va faire beau ce soir. Ou des fois, quand il projette sur un écran vert, puis la personne se place, puis prépare ouais. pour passer devant la caméra. Là, ouais. Est-ce que j'ai l'air gris? Fait que, écoutez, ben, on va pas prendre plus de votre temps, messieurs. On va dire salut à tout le monde et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être le podcast Mac Québec et à la suite de ça, il va y avoir encore une fois les amateurs de Mac. Bonsoir. J'ai juste un petit message oui, pour ceux qui ont pas vu dans iTunes le podcast de Mac Québec. C'est une petite aparté là-dessus. En fait, la qualité du podcast, bon, premièrement, c'est un peu la faute d'Alexis aussi, parce qu'Alexis a oublié d'enregistrer le podcast. Ben, tant qu'à y être, on va bûcher sur quelqu'un. Puis Jeff, je bûcherai pas sur lui, là, tu sais, pour avoir quelqu'un dans mon dos. Ouais. Mais Alexis, ça, il a oublié de l'enregistrer, puis on a voulu enregistrer dans la plateforme Vocal. C'est pas moi qui l'ai fait, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Par contre, la qualité, quand on diffusait sur Vocal, n'était pas très bonne. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de pas la diffuser dans le feed pour iTunes. Puis pourquoi on a voulu ça? Mais parce que il y a eu beaucoup de plaintes la dernière fois quand on a diffusé un podcast qui sonnait pas très bien. On voulait quand même vous le montrer. Il est disponible quand vous allez sur macquebec.com. Dans les articles, j'avais fait un article, j'ai mis les liens vers le web, mais la semaine passée, là, on n'a pas pu le mettre sur iTunes. Par contre, je suis sûr qu'Alexis va pas oublier de l'enregistrer la semaine prochaine, je suis sûr. Non, c'est clair. T'as-tu enregistré les amateurs de Mac Bonsoir? Il n'y a pas eu de problème, j'ai démarré ça juste avant l'entrée en diffusion, fait que ça devrait bien fonctionner. D'ailleurs, pour les quelques personnes qui sont encore là, si vous voulez nous encourager, on n'a pas encore commencé à demander des donations, on n'a pas encore trouvé de commanditaire ou quoi que ce soit, ce qui nous ferait bien plaisir, par exemple, vous pouvez parler autour de vous du podcast, vous pouvez aller faire des commentaires sur iTunes à propos du podcast aussi. Ça peut nous aider à monter un petit peu puis à être featured puis à se faire remarquer un petit peu plus sur la plateforme iTunes parce qu'en gros, là, c'est pas mal là, il faut être honnête. Que l'auditoire va chercher le podcast. Donc, si vous voulez, aidez-nous à diffuser la bonne nouvelle, finalement. Répandez la bonne nouvelle. Ouais, je dis ça, j'ai l'air de Jésus avec mes longs cheveux. Oui, hein, c'est vrai. Maintenant que tu dis ça, là, si on peut pas. Mais pour... en même temps, là, quand tu parles de commanditaires, on veut aussi qu'on soit mieux établi. Comme on parlait tantôt au début de la plateforme Flash. En ce moment, moi, comme développeur d'application, je suis en train de travailler sur quelque chose pour l'avoir en direct sur votre iPhone. Ooh. Puis vous allez pouvoir l'écouter sur votre iPad aussi, mais il va y avoir une version iPhone. Je voulais développer une application juste pour ça. Finalement, ça se peut qu'on greffe sur quelque chose d'autre. Il y a un projet dans les airs, là. J'en parlais pas trop parce que ça se peut que Kim... projet secret. Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui arrive. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop la plateforme Flash, ce ne sera pas très long. Dès qu'on va avoir tout établi, là, on va peut-être parler un peu plus de trouver un commanditaire ou de nous supporter comme ça. Parlez-en, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure recette pour l'instant. Oui, c'est du bouche à oreille. Puis, aux deux semaines, on vous prend quand même un bon 3 heures de podcast. Mais si vous n'en avez pas assez... j'aimerais en fait vous proposer un podcast que j'aime beaucoup, qui n'est pas tout à fait techno, mais qui est quand même très, très geek, qui est le podcast des Mystérieux Étonnants, qui est un podcast sur les comic books et la pop culture, qui est diffusé sur Choc FM, mais aussi sur mystérieuxétonnants.com. Ça fait 5-6 ans que les gars font ça, fait qu'ils ont du matériel, c'est des pros. Moi, je suis hautement inspiré. De ces gars-là. Ils sont une super équipe. Il y a Yann, Francis et évidemment mon bon ami Benoît qui sont là-dedans et Simon Chénier aussi qui sont à l'animation de ce podcast-là. Fait que si vous cherchez des podcasts à écouter en ce moment, ça, c'en est un très bon. Avez-vous des suggestions, les gars, pour le monde? Des suggestions. Ben, vous pouvez venir m'écouter. J'ai commencé la semaine passée, on m'a en plugué un autre tant qu'à faire. J'ai commencé la semaine passée à faire une chronique sur mickgamer.com pour le podcast On n'a pas honte. C'est le dimanche soir à 7h. Fait que je fais une petite chronique une fois par semaine. Fait qu'on parle, c'est des personnes qui parlent de jeux vidéo. Moi, je fais une petite chronique Mac aussi. Je parle des applications sur iPhone et j'ai dit un petit jeu aussi la semaine passée. Fait que ils sont très bons, les gars. Tu vois que c'est des vrais gamers. Là. Fait que ils en savent un petit peu plus que moi. Fait que. Excellent. Okay. Cool. Parfait. Ben, on vous dit bonsoir et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bye bye. Bye bye.